J'ai connu Marie par une nuit, en boîte de nuit. Un moment romantique avec arrière-pensée, chérie. Ça fait déjà quelques week-ends qu'on s'embrasse à perdre haleine. À la vitesse supérieure, on devrait passer sans peine. Tu me dis que tu m'aimes à la folie, j'en ai marre, chérie. Ta folie ne dépasse pas les bécots, c'est trop facile et c'est pas beau. Aujourd'hui j'ai envie d'aller ailleurs, voir quelque chose de meilleur. Le haut, le bas, j'ai fait mon choix, je préfère le bas. Ma salopette, mon préservatif s'embête. Il va finir par s'user, à ne jamais fonctionner. Demain si elle vient chez moi, je la coince sans foi ni loi. Je lui dirai à l'oreille tout bas, ce soir t'enlèves le bas. En haut, en bas, tu préfères le haut. En haut, en bas, on dirait que tu veux, ma peau. Je préfère le bas. En haut, en bas. Faut franchir, faut franchir, faut franchir le pas. Et mama, you win. Allongée sur le lit, elle me regarde, je la regarde. Je ne me suis pas contenu, tout de suite je suis tout nu. C'est une fille très sage, elle a gardé son corps sage. Je fais le premier pas, elle me dit non, faut pas. Sous la table de chevet, mon préservatif me trouve lamentablement passif. Il a une envie folle de m'engueuler, il va falloir la relancer. Elle est debout habillée, veut s'en aller, il ne faut pas laisser tomber. Le haut, le bas, elle a fait son choix, elle préfère franchir le pas. Franchir le pas. Le pas de la porte. Franchir le pas. Avec elle, pas question, sac à peur. Franchir le pas. Le pas de la porte. Franchir le pas. Ce soir, pas question, la question capote. Sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, ma capote. Sac à pote, sac à pote, sac à pote. Sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, ma capote. Sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote. Et mama, you win ma. Et mama, you win. Sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote. Sac à pote, sac à pote, sac à pote, ma capote. Sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, sac à pote, ma capote.